Oui, le temps du salut est proche, nous dit saint Paul. C'est le moment. C'est maintenant, le salut est plus près de nous maintenant qu'à l'époque où nous sommes devenus croyants. Oui, la nuit est bientôt finie. La nuit est bientôt finie. Toutes ces lectures que nous allons entendre dans ce temps qui précède Noël, ce temps de l'Avent, sont des lectures remplies d'espérance. Des lectures pleines d'un message de victoire, du salut de Dieu. Et cet avènement, cette victoire de Dieu, Noël en sera un signe. Noël, à la fin de ce temps de l'Avent, le temps de Noël va être un signe de ce salut déjà rendu présent. Un sauveur va nous naître, un fils va nous être donné. Oui, c'est ce temps de l'Avent. Ce temps de l'Avent qui maintenant nous prépare à accueillir le salut. Noël, c'est toujours ce moment un petit peu, quand on est dans l'Avent, on focus sur Noël. C'est comme la fête finale en vue de laquelle on se prépare. À tel point que Noël peut même devenir un moment un petit peu où on se met de la pression. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais enfin quand je rencontre des personnes qui nous parlent du mois de décembre, on a l'impression que le mois de décembre, c'est le challenge de Noël. Tu t'y prends assez vite pour commencer à tout préparer, ce qui va arriver, à envoyer les invitations, à t'organiser, à réfléchir déjà au menu du souper de la nuit de Noël, à te demander qu'est-ce que tu vas acheter comme cadeau pour ton petit neveu ou ta petite nièce. Puis il faut s'y prendre assez tôt parce que on sait pas trop, c'est compliqué. Bon. On a l'impression qu'on est mis sous pression en vue de cette fête qu'est Noël, qui est une fête où nous accueillons un signe du salut de Dieu. Et notre monde consumériste nous focus sur tout ce qui va faire que, en fait, tout ce qui est autour de Noël, tout ce qui va agrémenter la décoration, tout ce qui va apporter de la saveur, je dirais, mais c'est comme du superflu. En fait, c'est tout ce qui fait la matérialité de Noël. Et notre monde, évidemment, s'appuie là-dessus parce que c'est ça qui coûte de l'argent. C'est ça qui fait gagner de l'argent. Donc forcément, c'est ce qui intéresse notre monde rempli de notre monde de consommation aujourd'hui. Mais nous le savons, nous ne sommes pas indifférents par rapport à ça. Nous sommes pris dans ce tourbillon. Mais il est bon donc de nous remettre devant l'essentiel de ce temps de l'Avent qui n'est pas seulement en vue de Noël. Le temps de l'Avent, c'est l'accueil aujourd'hui, c'est se préparer maintenant au salut, mais au salut final. Noël n'en est comme qu'un signe. Nous nous préparons dans le temps de l'Avent au salut définitif, c'est-à-dire à la venue de Jésus définitive dans le monde, dans l'univers, dans toute l'histoire. Et c'est une préparation qui demande, puisque c'est un événement important quand même, notre salut, je pense, c'est une préparation qui demande donc qu'on s'y penche. Peut-être que ce salut va arriver avant Noël, demain. Peut-être que ce salut va arriver dans 2 mois, dans 5 mois, dans 6 ans, dans 20 ans, dans 75 ans, dans 3 siècles, ce salut final, ce retour du Christ dans la gloire. Oui, mais il faut s'y préparer, quel que soit le moment où il va arriver. Et l'Évangile nous met bien dans cette attitude de soudaineté. Nous ne savons pas quand cela va arriver. Veillez donc, nous dit Jésus. Vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. S'il arrivait seulement à Noël, on saurait quel jour c'est. Mais là, on ne sait pas. Il y a quelque chose de plus dans ce temps de l'Avent. Ce n'est pas seulement la préparation immédiate à Noël. C'est la préparation à notre salut définitif. Supposons que, on va prendre une analogie, supposons que vous ayez l'aptitude de connaître l'histoire, de connaître votre futur. Et en connaissant votre futur, vous avez la capacité de savoir que dans 10 ans, quelqu'un va vous sauver la vie d'un grand péril. Supposons. On le sait. Puis vous identifiez cette personne. Imaginez que demain, vous rencontrez cette même personne et vous la reconnaissez. Est-ce que vous n'allez pas avoir vis-à-vis de cette personne une extrême gratitude en sachant ce qui va vous arriver grâce à elle, 10 ans après. Est-ce que ça ne va pas commencer à transformer votre présent, cet événement qui surviendra dans le futur? Bien, cette analogie, frères et sœurs, elle est là pour nous montrer que ce salut qui vient pour nous, il doit changer notre temps présent. Le salut qui s'en vient, si réellement nous croyons à la victoire de Jésus et au salut qui nous attend, alors ça doit commencer à changer notre vie aujourd'hui, maintenant, ce soir. C'est ce soir que tout doit commencer à changer. Je ne peux pas vivre comme si ma vie ne sera pas sauvée par le Christ dans un temps à venir. Et ce salut donc a une répercussion donc aujourd'hui dans mon présent. Et c'est cette invitation de saint Paul dans la lettre aux Romains. Oui, le salut est près de nous maintenant. Il le disait déjà aux Romains il y a 2000 ans. Hein. Le salut est proche de nous maintenant. La nuit est bientôt finie. Rejetons les œuvres des ténèbres. Revêtons-nous des armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement comme on le fait en plein jour. Conduisons-nous honnêtement comme on le fait en plein jour. Ça veut dire conformons-nous à cette réalité qui va survenir dans notre existence, dans notre histoire, qui est le salut définitif de notre vie. Nous serons pleinement sauvés, victorieux avec le Christ Sauveur. Ça veut dire que nous pouvons vivre aujourd'hui comme des sauvés, sans dissimulation, honnêtement, comme on le fait en plein jour. Je trouve que cette image est assez belle, parce que nous savons combien nous pouvons être tentés dans notre vie par la dissimulation, c'est-à-dire la vérité qui n'est pas tout à fait vraie. Vous savez, c'est pas tout à fait la vérité, c'est une coche en dessous de la vérité. Donc en fait, c'est pas la vérité. Ça, c'est de la dissimulation. Je ne vis pas honnêtement comme on le fait en plein jour. Je vis dans quelque chose qui n'est peut-être pas complètement la nuit, mais qui est déjà un petit peu ténébreux quand même. Bien, certainement, nous avons dans ce temps de l'Avent à prendre une décision. Si nous voulons nous préparer à la soudaineté de la venue du salut. Et saint Paul nous donne 3 pistes qui sont généralement des pistes assez classiques de conversion. Alors il nous dit « Conduisons-nous honnêtement comme on le fait en plein jour, sans orgie ni beuverie, sans luxure ni débauche, sans rivalité ni jalousie. » On voit que l'homme n'a pas beaucoup changé. Il rencontre les mêmes lieux de conversion qu'il y a 2000 ans. Je ne sais pas si c'est rassurant, mais en tout cas, on se sent proche des Romains à qui saint Paul s'adresse. Il aborde 3 lieux de mise en lumière, peut-être, que nous pourrions inspecter pendant ce temps de l'Avent. Le lieu de sans orgie ni beuverie, c'est le lieu de l'avoir, le lieu de ce que nous possédons, de ce que nous engloutissons plus ou moins rapidement ou en plus ou moins grande quantité. Okay ? C'est le lieu de l'avoir. Le lieu de la luxure et de la débauche, c'est le lieu de la sexualité. Le lieu des rivalités et de la jalousie, c'est le lieu du pouvoir. Bien, demandons au Seigneur de nous éclairer dans l'un de ces aspects. Vous savez, comme d'habitude, on n'est pas capable de réformer sa vie déjà par sa seule volonté, mais en plus en choisissant d'affronter tous les pans qui auraient besoin de l'être d'un coup. Choisissons pendant ce temps de l'Avent un aspect de notre existence, peut-être dans ces lieux par rapport au pouvoir que j'exerce dans ma famille. J'ai du pouvoir dans ma famille. Les fêtes de Noël approchent, on sait que c'est des moments joyeux, mais pour les familles c'est aussi des moments des fois... Souper de Noël, quand tout le monde se rassemble, c'est pas toujours évident. Par rapport à la chasteté, est-ce que je veux grandir sur un point pendant ce temps de l'Avent? Avancer, faire un pas de plus sur un aspect. Par rapport à l'avoir, ben voilà, on va tous se faire piéger. Hein. D'ailleurs, il y en a peut-être qui se sont déjà fait piéger par le Black Friday. En fait, tous les mois, il y a quelque chose pour se faire avoir. Hein. Il y a des pièges tout le temps, c'est normal. Ils veulent notre argent, donc ils nous font des pièges. Donc, est-ce que je veux, moi aussi, vivre quelque chose de plus simple par rapport à l'argent, par rapport à l'avoir, par rapport à peut-être ce que je vais offrir Bien, voilà autant de lieux que saint Paul nous invite à mettre en lumière, pour nous préparer à la venue du salut, la soudaineté du venu, de la venue de Dieu dans notre histoire. Ça transforme notre vie maintenant, aujourd'hui, ce soir. Et la petite décision que nous pouvons prendre dans le fond de notre cœur pour les 4 semaines à venir, elle témoigne de ce salut de Dieu qui transforme déjà ma vie. Mais ce n'est pas Dieu qui la prend pour moi, cette décision. C'est moi qui la prends avec la grâce de Dieu. Alors laissons ce salut qui se fait proche de nous commencer à transformer notre existence ce soir.